Chapitre 16e. Le baron de Tavernet croit enfin entrevoir un petit coin de l'avenir. Le premier qui s'aperçut de l'évanouissement de Madame la Dauphine fut, comme nous l'avons dit, le baron de Tavernet. Il se tenait à l'affût, plus inquiet que personne de ce qu'allait se passer entre elle et le sorcier. Il avait entendu le cri que son Altesse royale avait poussé. Il avait vu Balsamo s'élancer hors du massif. Il était accouru. Le premier mot de la dauphine avait été pour qu'on lui montrât la carafe, le second pour qu'on ne fît aucun mal au sorcier. Il était temps que cette recommandation fût faite. Philippe de Tavernet bondissait déjà sur sa trace comme un lion irrité quand la voix de la dauphine l'arrêta. Alors, sa dame d'honneur s'approcha d'elle à son tour et l'interrogea en allemand. Cependant, à toutes ces questions, elle ne répondit rien, sinon que Balsamo ne lui avait aucunement manqué de respect. Mais que, fatiguée probablement par la longueur de la route et l'orage de la veille, elle avait été surprise par un accès de fièvre nerveuse. Ses réponses furent traduites à M. de Rohan, qui attendait des explications mais sans oser en demander. À la cour, on se contente d'une demi-réponse. Celle de la dauphine ne satisfit point, mais parut satisfaire tout le monde. En conséquence, Philippe s'approcha d'elle. « Madame, dit-il, c'est pour obéir aux ordres de Son Altesse royale que je viens. » À mon grand regret, lui rappeler que la demi-heure pendant laquelle elle comptait s'arrêter ici est écoulée et que les chevaux sont prêts. « Bien, monsieur, » dit-elle avec un geste charmant de nonchalance maladive, « mais je reviens à mon intention première. Je suis incapable de partir en ce moment. Si je dormais quelques heures, il me semble que ces quelques heures de repos me remettraient. » Le baron pâlit. André regarda son père avec inquiétude. « Votre Altesse sait combien le gîte est indigne d'elle, » balbutia le baron de Tavernet. « Oh, je vous en prie, monsieur, » répondit la dauphine du ton d'une femme qui va défaillir. « Tout sera bien, pourvu que je me repose. » André disparut aussitôt pour faire préparer sa chambre. Ce n'était pas la plus grande, ce n'était même pas la plus ornée peut-être, mais il y a toujours dans la chambre d'une jeune fille aristocratique comme l'était André, fût-elle pauvre comme l'était André, quelque chose de coquet, qui réjouit la vue d'une autre femme. Chacun voulut alors s'empresser près de la dauphine, mais avec un mélancolique sourire, elle fit signe de la main, comme si elle n'avait plus la force de parler, qu'elle désirait être seule. Alors, chacun s'éloigna pour la seconde fois. Marie-Antoinette suivit tout le monde des yeux jusqu'à ce que le dernier pan d'habit et la dernière queue de robe eussent disparu. Puis, rêveuse, elle laissa tomber sa tête pâlie sur sa belle main. N'était-ce pas, en effet, d'horribles présages que ceux qui l'accompagnaient en France? Cette chambre où elle s'était arrêtée à Strasbourg, la première où elle eut mis le pied sur ce sol où elle devait être reine, et dont la tenture était faite d'une tapisserie représentant le massacre des innocents. Cet orage qui, la veille, avait brisé un arbre près de sa voiture. Et enfin, ces prédictions faites par un homme si extraordinaire. Prédiction suivie de la mystérieuse apparition dont la dauphine paraissait décidée à ne révéler le secret à personne. Au bout de 10 minutes à peu près, André revint. Son retour avait pour but d'annoncer que la chambre était prête. On ne jugea point que la défense de la dauphine fût pour elle, et André put pénétrer sous le berceau. Elle demeura pendant quelques instants debout devant la princesse, n'osant parler, tant son Altesse royale paraissait plongée dans une profonde rêverie. Enfin, Marie-Antoinette leva la tête et fit en souriant à André un signe de la main. « La chambre de son Altesse est prête, » dit celle-ci. « Nous la supplions seulement. » La dauphine ne laissa point la jeune fille achever. « Grand merci, mademoiselle, » dit-elle. « Appelez, je vous prie, la comtesse de Langenshausen et nous servez de guide. » André obéit. La vieille dame d'honneur s'avança empressée. « Donnez-moi le bras, ma bonne Brigitte, » dit la dauphine en allemand, « car en vérité, je ne me sens pas la force de marcher seule. » La comtesse obéit. André fit un mouvement pour la seconder. « Entendez-vous donc l'allemand, mademoiselle ?» demanda Marie-Antoinette. « Oui, madame, » répondit en allemand André, « et même je le parle un peu. »« Admirablement, » s'écria la dauphine avec joie. « Oh, cela s'accorde bien avec mes projets. » André n'osa demander à son auguste hôtesse quels étaient ses projets, malgré le désir qu'elle eut de les connaître. La dauphine s'appuya sur le bras de Madame de Langenshausen et s'avança à petits pas. ses genoux semblaient se dérober sous elle. Comme elle sortait du massif, elle entendit la voix de M. de Rohan qui disait « Comment, M. de Stainville, vous prétendez parler à son Altesse royale malgré la consigne ?»« Il le faut, » répondit d'une voix ferme le gouverneur, « et elle me pardonnera, j'en suis bien certain. »« En vérité, monsieur, je ne sais si je dois... » « Laissez avancer notre gouverneur, monsieur de Rohan, » dit la dauphine en apparaissant au milieu de l'ouverture du massif comme sous un arc de verdure. « Venez, monsieur de Stainville. » Chacun s'inclina devant le commandement de Marie-Antoinette, et l'on s'écarta pour laisser passer le beau-frère du ministre tout-puissant qui gouvernait alors la France. Monsieur de Stainville regarda autour de lui comme pour réclamer le secret. Marie-Antoinette comprit que le gouverneur avait quelque chose à lui dire en particulier. Mais avant qu'elle-même lui ait témoigné le désir d'être seule, chacun s'était éloigné. « Dépêche de Versailles, madame, » dit à demi-voix M. de Stainville, en présentant à la dauphine une lettre qu'on avait tenue cachée jusque-là sous son chapeau brodé. La dauphine prit la lettre et lut sur l'enveloppe « À M. le baron de Stainville, gouverneur de Strasbourg. » « La lettre n'est point pour moi, mais pour vous, monsieur, » dit-elle. « Décachetez-la et lisez-la-moi. » Si toutefois elle contient quelque chose qui m'intéresse. La lettre est à mon adresse, en effet, madame. Mais dans ce coin, voyez, est le signe convenu avec mon frère, monsieur de Choiseul, indiquant que la lettre est pour votre Altesse seule. Ah, c'est vrai, une croix, je ne l'avais pas vue. Donnez. La princesse ouvrit la lettre et lut les lignes suivantes. La présentation de madame du Barry est décidée, si elle trouve une marraine. Nous espérons encore qu'elle n'en trouvera point. Mais le moyen le plus sûr de couper court à cette présentation serait que son Altesse royale, Madame la Dauphine, se hâtât. Une fois son Altesse royale, Madame la Dauphine, à Versailles, personne n'osera plus proposer une pareille énormité. « Fort bien, » dit la Dauphine, non seulement sans laisser paraître la moindre émotion, mais encore sans que cette lecture eût paru lui inspirer le plus petit intérêt. « Votre Altesse royale va se reposer ?» demanda timidement André. « Non, merci, mademoiselle, » dit l'archiduchesse. « L'air vif m'a ranimée. Voyez comme je suis forte et bien disposée maintenant. » Elle repoussa le bras de la comtesse et fit quelques pas avec la même rapidité et la même force que s'il ne fût rien arrivé. « Mes chevaux, » dit-elle, « je pars. » M. de Rohan regarda tout étonné M. de Stainville, comme pour lui demander l'explication de ce changement subi. « Monsieur le dauphin s'impatiente, » répondit le gouverneur à l'oreille du cardinal. Le mensonge avait été glissé avec tant d'adresse que M. de Rohan le prit pour une indiscrétion et s'en contenta. Quant à André, son père l'avait habitué à respecter tout caprice de tête couronnée. Elle ne fut donc pas surprise de cette contradiction de Marie-Antoinette. Aussi celle-ci se retournant vers elle et ne voyant sur son visage que l'expression d'une ineffable douceur. « Merci, mademoiselle. Votre hospitalité m'a vivement touchée. » Puis, s'adressant au baron, « Monsieur, » dit-elle, « vous saurez qu'en partant de Vienne, j'ai fait le vœu de faire la fortune du premier Français que je rencontrerai en touchant aux frontières de France. Ce Français, c'est votre fils. Mais il ne sera point dit que je m'arrêterai là, et que mademoiselle... Comment nomme-t-on votre fille, monsieur ? André, votre Altesse. Et que mademoiselle André sera oubliée. Oh, votre Altesse, » murmure la jeune fille. « Oui, j'en veux faire une demoiselle d'honneur. Nous sommes en état de faire nos preuves, n'est-ce pas, monsieur ?» continua la dauphine en se tournant vers Tavernet. « Oh, votre Altesse, » s'écria le baron, dont cette parole réalisait tous les rêves, « nous ne sommes pas inquiets de ce côté-là, car nous avons plus de noblesse que de richesse. Cependant, une si haute fortune, elle vous est bien due. Le frère défendra le roi aux armées, la sœur servira la dauphine chez elle. Le père donnera au fils des conseils de loyauté, à la fille des conseils de vertu. Digne serviteur que j'aurai là, n'est-ce pas, monsieur ? Continua Marie-Antoinette en s'adressant au jeune homme, qui ne put que s'agenouiller, et sur les lèvres duquel l'émotion fit expirer la voix. « Mais, » murmura le baron, auquel revint le premier la faculté de réfléchir. « Oui, je comprends, » dit la dauphine, « vous avez des préparatifs à faire, n'est-ce pas ? Sans doute, madame, » répondit Tavernet. « J'admets cela. Cependant, ces préparatifs ne peuvent être bien longs. » Un sourire triste qui passa sur les lèvres d'André et de Philippe, tout en se dessinant amer sur celle du baron, l'arrêta dans cette voix qui devenait cruelle, pour l'amour-propre des Tavernais. « Non, sans doute, si j'en juge par votre désir de me plaire, » ajouta la dauphine. « D'ailleurs, attendez, je vous laisserai ici un de mes carrosses. Il vous conduira à ma suite. » « Voyons, monsieur le gouverneur, venez à mon aide. » Le gouverneur s'approcha. « Je laisse un carrosse à monsieur de Tavernet, que j'emmène à Paris avec mademoiselle André, » dit la dauphine. « Nommez quelqu'un pour accompagner ce carrosse et le faire reconnaître comme étant des miens. » « À l'instant même, madame, » répondit le baron de Stainville. « Avancez, monsieur de Beausire. » Un jeune homme de 24 à 25 ans, à la démarche assurée, à l'œil vif et intelligent, sortit des rangs de l'escorte et s'avança le chapeau à la main. « Vous garderez un carrosse pour monsieur de Tavernet, » dit le gouverneur, « et vous accompagnerez le carrosse. »« Veillez à ce qu'il nous rejoigne bientôt, » dit la dauphine. « Je vous autorise à doubler, s'il le faut, les relais. » Le baron et ses enfants se confondirent en actions de grâce. « Ce brusque départ ne vous fait point trop de peine, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda la dauphine. « Nous sommes aux ordres de votre Altesse, » répondit le baron. « Adieu, adieu, » dit la dauphine avec un sourire. « En voiture, messieurs, monsieur Philippe, à cheval. » Philippe baisa la main de son père, embrassa sa sœur et sauta en selle. Un quart d'heure après, de toute cette cavalcade, tourbillonnant comme la nuée de la veille, il ne restait plus rien dans l'avenue de Tavernet, sinon un jeune homme assis sur la borne de la porte et qui, pâle et triste, suivait d'un œil avide les dernières traînées poudreuses que soulevaient au loin sur la route les pieds rapides des chevaux. Ce jeune homme, c'était Gilbert. Pendant ce temps, le baron, resté seul avec André, n'avait pas encore pu retrouver la parole. C'était un singulier spectacle que celui présenté par le salon de Tavernet. André, les mains jointes, réfléchissait à cette foule d'événements étranges, inattendus, inouïs, qui venaient de passer tout à coup à travers de sa vie si calme et croyait rêver. Le baron épilait ses sourcils gris, du milieu desquels jaillissaient de longs poils recourbés et déchiquetaient son jabot. Nicole, adossée à la porte, regardait ses maîtres. L'abri, les bras pendants, la bouche ouverte, regardait Nicole. Le baron se réveilla le premier. « Scélérat ! » cria-t-il à l'abri. « Tu restes là comme une statue, et ce gentilhomme, cet exempt de la maison du roi, attend dehors. » L'abri fit un bond de côté, s'accrocha la jambe gauche avec la jambe droite et disparut en trébuchant. Un instant après, il revint. « Monsieur, ce gentilhomme est là-bas. Que fait-il ? Il fait manger les pimprenelles à son cheval. Laisse-le faire. Et le carrosse ? Le carrosse est dans l'avenue, tout attelé, de 4 chevaux. Oh, les belles bêtes, monsieur ! Elles mangent les grenadiers du parterre. Les chevaux du roi ont le droit de manger ce qu'ils veulent. À propos, et le sorcier ? Le sorcier, monsieur, il a disparu. En laissant la table toute servie, dit le baron, ce n'est pas croyable. Il reviendra, ou quelqu'un pour lui. Je ne crois pas, dit l'abri. Gilbert l'a vu partir avec son fourgon. Gilbert l'a vu partir avec son fourgon ? Répéta le baron pensif. Oui, monsieur. Ce fainéant de Gilbert, il voit tout, va faire la malle. Elle est faite, monsieur. Comment elle est faite ? Oui. Dès que j'ai entendu l'ordre de madame la dauphine, je suis entré dans la chambre de monsieur le baron et j'ai emballé ses habits et son linge. De quoi te mêles-tu, drôle ? Dame, monsieur, j'ai cru bien faire en prévenant vos désirs. Imbécile, allons, aide ma fille. Merci, mon père, j'ai Nicole. Le baron se mit à réfléchir de nouveau. Mais triple coquin, dit-il à l'abri, il y a une chose impossible. Laquelle, monsieur ? Et à quoi tu n'as pas pensé, car tu ne penses à rien. Dites, monsieur. C'est que son Altesse royale soit partie sans laisser quelque chose à monsieur de Beausire, ou que le sorcier ait disparu sans remettre un mot à Gilbert. En ce moment, on entendit comme un petit sifflement dans la cour. Monsieur, dit l'abri, eh bien, on appelle. Qui cela ? Ce monsieur. L'exempt du roi ? Oui, et voilà Gilbert aussi qui se promène comme s'il avait quelque chose à dire. Alors va donc, animal. L'abri obéit avec sa promptitude accoutumée. Mon père, dit André en s'approchant du baron. « Je comprends ce qui vous tourmente à cette heure. Vous le savez, j'ai 30 louis et cette belle montre garnie de diamants que la reine Marie Letzinska a donnée à ma mère. « Oui, mon enfant, oui, c'est bien, » dit le baron. « Mais garde, garde. Il te faudra une belle robe pour ta présentation. En attendant, c'est à moi de trouver des ressources. Chut, voici l'abri. « Monsieur, » s'écria l'abri en entrant, et en tenant d'une de ses mains une lettre et de l'autre quelques pièces d'or. « Monsieur, Voilà ce que la dauphine a laissé pour moi. Dis-lui, monsieur, dis-lui. Et cette lettre, Faquin ? Ah, cette lettre est pour vous, monsieur. Elle vient du sorcier. Du sorcier. Et qui te l'a remise ? Gilbert. Je te le disais bien, double brute. Donne, mais donne donc, vite. Le baron arracha la lettre à l'abri, l'ouvrit précipitamment et lut tout bas. Monsieur le baron, depuis qu'une si auguste main a touché cette vaisselle chez vous, elle appartient à vous. Gardez-la donc comme une relique, et pensez quelquefois à votre autre connaissant. Joseph Balsamo. L'abri ! Cria le baron après avoir réfléchi un moment. Monsieur ? N'y a-t-il pas un bon orfèvre à Bar-le-Duc ? Oh oui, monsieur. Celui qui a ressoudé la timbale d'argent de Mademoiselle André. C'est bien. André, mettez à part le verre dans lequel a bu son Altesse royale, et faites porter dans le carrosse le reste du service. Et toi, Bélitre, cours à la cave, et fais servir à ce gentilhomme ce qui reste ici de bon vin. Une bouteille, monsieur, dit l'abri, avec une profonde mélancolie. C'est tout ce qu'il faut. Allons, André, continua le baron en prenant les deux mains de sa fille. Allons, du courage, mon enfant. Nous allons à la cour. Il y a beaucoup de titres vacants là-bas, beaucoup d'abbayes à donner, pas mal de régiments sans colonel, bon nombre de pensions en jachère. C'est un beau pays que la cour, bien éclairé par le soleil. Mets-toi toujours du côté où il luira, ma fille. Tu es belle à voir. Va, mon enfant, va. André sortit à son tour, après avoir présenté son front au baron. Nicole la suivit. Hola, monstre de l'abri, cria Tavernet en sortant le dernier. Eh bien, soin de monsieur l'exempt, entends-tu? Oui, monsieur, répondit l'abri du fond de la cave. Moi, continua le baron en trottinant vers sa chambre, moi, je vais ranger mes papiers. Que dans une heure nous soyons hors de ce bouge. André, entends-tu bien? J'en sortirai donc enfin de Tavernet, et par la bonne porte encore. Quel brave homme que ce sorcier! En vérité, je deviens superstitieux comme un diable. Mais dépêche-toi donc, misérable l'abri. Monsieur, j'étais obligé d'aller à tâtons. Il n'y avait plus de chandelle au château. Il était temps, à ce qu'il paraît, dit le baron.